Vautrin retourné, mademoiselle Michonneau appliqua sur l'épaule du malade une forte claque, et les deux fatales lettres reparurent en blanc au milieu de la place rouge. « Tiens, vous avez bien lestement gagné votre gratification de 3 000 francs !» s'écria Poiré, en tenant Vautrin debout, pendant que mademoiselle Michonneau lui remettait sa chemise. « Ouf, il est lourd » reprit-il en le couchant. « Taisez-vous. » « S'il y avait une caisse, » dit vivement la vieille fille, dont les yeux semblaient percer les murs, tant elle examinait avec avidité les moindres meubles de la chambre. « Si l'on pouvait ouvrir ce secrétaire, sous un prétexte quelconque, » reprit-elle. « Ce serait peut-être mal, » répondit Poiré. « Non, l'argent volé, ayant été celui de tout le monde, n'est plus à personne. Mais le temps nous manque, » répondit-elle. « J'entends l'avoquer. »« Voilà de l'éther, » dit Madame Vauquer. « Par exemple, c'est aujourd'hui la journée aux aventures. Dieu, cet homme-là ne peut pas être malade. Il est blanc comme un poulet. »« Comme un poulet ?» répéta Poiré. « Son cœur bat régulièrement, » dit la veuve, en lui posant la main sur le cœur. « Régulièrement ?» dit Poiré étonné. « Il est très bien. Vous trouvez ?» demanda Poiré. « Dame, il a l'air de dormir. Sylvie est allée chercher un médecin. Dites donc, mademoiselle Michonneau, il renifle à l'éther. Bah, c'est un se passe, un spasme. Son pouls est bon, il est fort comme un turc. Voyez donc, mademoiselle Michonneau, quelle palatine il a sur l'estomac. Il vivra 100 ans, cet homme-là. Sa perruque tient bien tout de même. Tiens, elle est collée. Il a de faux cheveux, rapport à ce qu'il est rouge. On dit qu'ils sont tout bons ou tout mauvais, les rouges. Il serait donc bon, lui ? Bon à pendre, dit Poiré. Vous voulez dire, au cou d'une jolie femme, s'écria vivement mademoiselle Michonneau. Allez-vous-en donc, monsieur Poiré. Ça nous regarde, nous autres, de vous soigner quand vous êtes malade. D'ailleurs, pour ce à quoi vous êtes bon, vous pouvez bien vous promener, ajouta-t-elle. Madame Vauquer et moi, nous garderons bien ce cher monsieur Vautrin.